Psaume 110. Psaume de David. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. L'Éternel transmettra de Sion le sceptre de ta force, en disant, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple sera un peuple plein de franche volonté au jour, que tu assembleras ton armée en sainte pompe, la rosée de ta jeunesse sera produite du sein de l'aube du jour. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point, que tu es sacrificateur éternellement, à la façon de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite, il froissera les rois au jour de sa colère. Il exercera jugement sur les nations, il remplira tout de corps morts, il froissera le chef qui domine sur un grand pays. Il boira du torrent par le chemin, c'est pourquoi il lèvera haut la tête.